Le rassemblement commémoratif des 70 ans du Front démocratique pour la réunification de la patrie a eu lieu le 21 courant au Palais de la Culture du Peuple. Y étaient présents Kim Yong-nam, Kim Gi-nam, Roh Do-chol, le président d'un parti ami, le président du comité central du Front démocratique pour la réunification de la patrie, les officiels des organisations sociales, ministères et établissements centraux, du secteur intéressé, les anciens prisonniers non convertis à long terme et des citadins de Pyongyang, ainsi que des ressortissants coréens d'outre-mer en séjour dans leur patrie socialiste. Kim Gi-nam, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, a prononcé un rapport. Il a dit notamment « Le président Kim Il-sung a fondé il y a 70 ans le Front démocratique pour la réunification de la patrie, ce qui a été un événement historique faisant date pour prévenir la division territoriale perpétuelle par les forces extérieures, réaliser la souveraineté et l'indépendance complète de la nation et réunifier le pays. » Ses pensées et lignes de conduite en matière de grande union nationale et ses exploits continuent brillamment grâce à la direction éminente du dirigeant Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un. Pour finir, l'orateur a appelé tous à militer vigoureusement pour l'édification d'une puissance socialiste, la réunification indépendante de la patrie et la victoire finale de la cause de la révolution Chuché en portant haut le drapeau du Kim Il-sunisme-Kim Jong-ilisme sous la grande direction de Kim Jong-un.